viens l'enfer à tour à en baie. Si vos sexes tu t'es planté, viens l'enfer à tour à en baie. Si t'as quelque chose à fêter, viens l'enfer à tour à en baie. Si t'as quelque chose à fêter, viens l'enfer à tour à en baie. Y'a du chouchet d'inventer, viens l'enfer à tour à en baie. Y'a du chouchet d'inventer, viens l'enfer à tour à en baie. Yeah.